Tous deux considéraient ces choses quand Mademoiselle Marthe passa. « Tu ne reconnais donc pas ?» lui dit sa mère. « Si fait, » reprit-elle en le saluant, tandis que son regard, limpide et soupçonneux, son regard de vierge, semblait murmurer. « Que viens-tu faire ici, toi ?» Et elle montait les marches, la tête un peu tournée sur l'épaule. Madame Arnault emmena Frédéric dans la cour, puis elle expliqua d'un ton sérieux comment on broie les terres, on les nettoie, on les tamise. L'important, c'est la préparation des pâtes. Et elle l'introduisit dans une salle que remplissait des cuves où virait sur lui-même un axe vertical armé de bras horizontaux. Frédéric s'en voulait de n'avoir pas refusé nettement à sa proposition tout à l'heure. « Ce sont les patouillards, » dit-elle. Il trouva le mot grotesque et comme incommodant dans sa bouche. De larges courroies filaient d'un bout à l'autre du plafond pour s'enrouler sur des tambours et tout s'agitait d'une façon continue, mathématique, agaçante. Ils sortirent de là et passèrent près d'une cabane en ruine qui avait autrefois servi à mettre des instruments de jardinage. « Elle n'est plus utile, » dit Madame Arnoux. Il répliqua d'une voix tremblante. « Le bonheur peut y tenir. » Le tintamarre de la pompe à feu couvrit ses paroles et ils entrèrent dans l'atelier des ébauchages. Des hommes, assis à une table étroite, posaient devant eux, sur un disque tournant, une masse de pâte, leur main gauche en raclait l'intérieur, leur droite en caressait la surface, et l'on voyait s'élever des vases comme des fleurs qui s'épanouissent. Madame Arnoux fit exhiber les moules pour les ouvrages plus difficiles. Dans une autre pièce, on pratiquait les filets, les gorges, les lignes saillantes. À l'étage supérieur, on enlevait les coutures et l'on bouchait avec du plâtre les petits trous que les opérations précédentes avaient laissés. Sur des claires-voies, dans des coins, au milieu des corridors, partout s'alignaient des poteries. Frédéric commençait à s'ennuyer. « Ça vous fatigue peut-être, » dit-elle. Craignant qu'il ne fallût borner là sa visite, il affecta au contraire beaucoup d'enthousiasme. Il regrettait même de ne s'être pas voué à cette industrie. Elle parut surprise. « Certainement, j'aurais pu vivre près de vous. »